meurtrir est certain. Sans banque à nous taxe à nous priver de liberté. Jeff Canaille descend de leur femme au club libertin. J'ai mis les pentes toutes North Face parce qu'il fait berda. Je pense qu'on fait le tour du monde comme David Guetta. Je fais le tour du secteur, j'ai vu plus d'un petit guetté. Les gens d'ici ont confiance à Pedro Beretta. Même le moins croyant des fois ils demandent à Dieu de l'aider. Chaque fois que je ressors un album ils sont shocking. Dis-leur que c'est pas ma faute si je suis bien dans le jogging. Ça parle direct au patronique, ça marre le booking. C'est que t'es un gros fumeur si tu fumes le Frozen au cookie. Je fais des placements, des écrasements, des remplacements. Parce que sur le cœur je peux pas mettre de pansement. Faut tout casser non, je t'embrasse main. Et quand ça se mange j'ai envie de niquer des merdes dans ce monde. Oh, je reste fidèle quand je suis en déplacement. Si t'aimes ta femme dans la caisse, faut pas qu'une tasse monte. J'ai trop le cœur qui s'est cassé à cause des malheurs du passé. Il a fallu du temps pour effacer. Mais bon, j'ai surmonté, j'ai tracé. Chez moi les petits ils ont souffert, ils veulent pas blaguer. Y'en a qui mentent sur des thématiques pour aller braquer. L'amitié perdue parce que mon cœur est balafré. J'en ai versé des larmes dans mon premier haut du blanc nacré. Ils nous disent mon frère nous voyons toi en vacances. C'est l'histoire du chanceux qui dit au malchanceux qu'il a de la chance. Il a de la chance, il met des patons dans les jambes. Mais l'homme il sauve la chambre. Contrôle putain c'est chaud de bon matin, j'suis pas un jeune. Il voit le marteau, j'lui dis à la base j'ai pas d'argent, mon monsieur l'agent. What the fuck. Sparrow, Glock, guitar tac. Afstand, JRR get harapak. DJ Kali in die asbak. Ik ben een lastbak, je bent een sukkel maar die wat staat. Die bitches worden kletsnat. Jij klets veel, ben van de zanka, motherfucker, hava cash veel. Bij ruïne niet bemiddelen, ik heb mijn eigen middelen. We laten mannen bibberen. Voor mijn family ga all in, iedereen moet balling. Mannen praten veel, ze vallen in herhaling. Sta er als ik krijg storing, ik ren die Gucci store in. Robin, motherfucker, ik ben foreign. Met die spag is nagi met die op die TN. Let op, is willen mannen zijn op rakas. Je nieuwe van de street, had een jouw crimineel. Ben ik rijden voor die cash. In de AMG, grond in de buurt. Of ik ben in Spain, houd je duur en mijn weed is zuur. Voel die black prakash, met die camouflage. Ben een spek, heye, wel, hoe entourage. Overzien, zie ik een ponte. Gekke kruis.